Chapitre 4e, jour d'épreuve. 5 jours après ce déjeuner, Linard arriva chez Maurice. « Voici une lettre pour toi, dit-il. J'ai trouvé Lina te l'écrivant. » Maurice, assez surpris, le regarda. Il le vit sérieux et triste. « Qu'as-tu donc ? » demanda-t-il. « Lis. » Maurice prit la lettre. « Jeune homme irrésistible, mais mal élevé. Deviez-vous vous montrer si empressé pour devenir le lendemain si négligent ? Ne me deviez-vous pas au moins une visite de remerciement ? Je l'attendais, cette visite, et j'avais fait une petite toilette qui m'aurait valu un compliment au moins. J'en étais pour mes frais. Tu as peut-être cru que tu avais rêvé un rêve agréable, je l'espère, n'est-ce pas ? Ou bien monsieur aura été pris de remords ? Ah, les bêtes à remords ! Sérieusement, mon cher Maurice, je ne méritais pas d'être oublié. Je sais bien que le cœur d'une femme comme moi, ce n'est pas grand-chose. La lettre n'est pas finie, dit Liénard quand il vit Maurice s'arrêter, car je suis arrivé sur le dos de Lina pendant qu'elle écrivait, mais il y en a assez. Après un moment de silence assez long, Maurice se leva et d'un ton résolu. « Eh bien, dit-il, reste assis et causons. » Il se rassit, étonné de ce calme, inquiet aussi. « Notre situation est assez difficile, poursuit Liénard, pour que nous ne la compliquions point par des comédies de dignité. » Je viens à toi pour que tu m'aides à en sortir convenablement pour tout le monde, pour toi, pour Lina, pour moi. Tu m'as pris une femme que j'aimais, mari d'une femme charmante, riche, jeune, heureux. Tu m'as jeté à bas de l'écueil où je m'étais réfugié. Eh bien, je ne me fâcherai point. Je mets l'amitié au-dessus de l'amour. Quant à nous deux, voilà donc qui est réglé. Reste Lina, le difficile. Car si je veux passer sur la tromperie, qui a sans doute des excuses, je ne peux point passer sur sa trahison, qu'il n'en a point. Tu savais que je l'aimais, c'est vrai. Elle seule savait jusqu'où allait mon amour. Que va-t-elle devenir ? Maurice, qui avait tenu les yeux baissés, les releva. Liénard poursuivit. « L'aimes-tu ? » Maurice ne répondit point immédiatement. Alors Liénard s'écria avec émotion. « Si tu ne l'aimes pas, tu étais bien coupable de me l'enlever. Pour toi, il y avait tant d'autres femmes. Ah, pourquoi une femme devient-elle désirable par cela seule qu'elle est la femme d'un ami ? Mais il ne s'agit pas de cela. Voilà une pauvre fille qui, en me trompant, n'a pas pensé qu'elle serait exposée à la misère et qui s'y trouve noyée en plein, puisque tu ne l'aimes pas, ce que précisément je venais savoir. Après tout, tant pis pour elle et tant mieux pour toi. Permets un peu, interrompit Maurice avec un certain embarras. Est-il donc nécessaire que je l'aime pour qu'elle retrouve en moi ce que je lui ai fait perdre ? Assurément. En venant ici, je me disais... Elle a été pour lui ce qu'elle est pour moi. Il a succombé, et s'il n'est point revenu à elle, c'est par amitié pour moi. Mais tu ne l'aimes pas. Tu as cédé à un caprice. Tu l'as prise dans un moment de belle humeur ou d'ennui. C'est le provoquant de la tromperie qui a tout fait. Tu serais trop belle âme de la prendre aujourd'hui par conscience. Ce serait, ma foi, une jolie conscience qui te ferait ainsi sacrifier ta femme. Reste à ton ménage. Laisse mademoiselle Amélina Boireau au sort qu'elle s'est fait. « Ne parlons point de mon ménage. Lina n'a rien fait. Je suis le coupable. Je sais ce que je lui dois. » L'aimant, tu lui devais tout. Ne l'aimant point, tu ne lui dois rien. À moi seul, tu dois quelque chose. Mais un vieux débris comme moi, ça ne compte pas. Ça serait trop bête si ça se plaignait. Trop naïf si ça se vengeait. As-tu seulement pensé que je pourrais me plaindre ou me venger ? » Maurice ne répondit point. « Non, n'est-ce pas ? » poursuivit Liénard. « On ne pense jamais à cela. » Si tu te crois obligé à quelque chose envers Lina, envoie-lui 1 ou 2 billets de 1 000 francs, qui lui permettront d'attendre un engagement soit en province, soit à l'étranger. Cela vaudra mieux pour toi que de la revoir, car tu pourrais en devenir fou. Je sais ce qu'elle est, toutes les femmes dans une seule. Si tu l'avais aimée, je ne parlerais point ainsi. Tu ne l'aimes pas, je te préviens à temps. Elle pourrait te coûter cher. Elle trouve l'endroit où l'homme cache son argent, comme le chien le gibier. Et elle vous l'extrait si gentiment qu'au lieu de crier, on la remercie. Tous deux se levèrent en même temps. Ils n'étaient ni l'un ni l'autre à leur aise. « Adieu, » dit Liénard en sortant. « Quand j'aurai un peu oublié, tu me retrouveras ce que j'ai toujours été et ce que je suis encore, ton ami. » Montrer un danger à certaines natures, c'est les pousser en avant. Liénard partit, Maurice courut chez Lina. Il s'attendait à la trouver noyée dans les larmes, il la trouva à table. « Quelle bonne idée tu as eu de venir » s'écria-t-elle. « Tu vas déjeuner avec nous. Ça te fera connaître Madame Jourdeuil que je te présente. » Et se penchant à son oreille qu'elle effleura, « C'est ma sage-femme. » Il parut tellement abasourdi qu'elle partit d'un grand éclat de rire. « Est-ce que tu crois que j'ai déjà eu besoin de ses services ? Apprenons que Madame Jourdeuil est la femme la plus habile de Paris dans tous les talents qui peuvent venir en aide à la beauté d'une femme. Elle a des secrets. Pour réparer tes ans l'irréparable outrage, comme on dit aux Français. Et elle en a aussi pour réparer ceux plus graves, dont les ans seuls mettent une femme à l'abri. Comprends-tu et déjeunes-tu ? » Malgré ses instances, il refusa. Il était malaise, mécontent. Ce n'était point pour entendre ces papotages qu'il était venu. « Je trouve que monsieur a raison, » dit Madame Jourdeuil. « On déjeune trop mal chez les femmes. »« Oui, mon petit cœur, chez vous comme partout. Vous mangez trop en l'air, je me tue à vous le dire. Des pommes vertes et des grains de café, ce n'est pas une nourriture. Envoyez donc Madame Amédée nous chercher quelque chose. Vous maigrirez, mon enfant, et vous jaunirez. » Puis, s'adressant à la bonne qui entrait, « Madame Amédée, » continua Madame Jourdeuil, « ma gentille Madame Amédée, voulez-vous nous apporter du foie gras, en pâté, pas en terrine, que la croûte soit tendre. N'oubliez pas un homard. Dites donc, ma petite Lina, est-ce que vous avez du kirsch, non ? Eh bien, Madame Amédée, montez-en une bouteille. » À peine la bonne était-elle partie que Madame Jourdeuil continua en se tournant vers Lina, qui avait laissé tranquillement donner ses ordres. Il faut que je vous dise aussi que Madame Amédée est trop maîtresse chez vous. C'est une excellente femme, mais par paresse, elle vous laisserait mourir de faim. Soignez-vous, mon enfant. La santé est à ce prix. Vous ne savez pas ce que vaut un agréable embonpoint. Enfin, Madame Jourdeuil acheva le pâté, la langouste, les confitures, les fruits, pendant que Maurice, impatient et nerveux, effeuillait une Véronique sans dire un mot. Puis, lorsqu'elle eut largement entamé le kirsch, elle se décida à mettre son châle, un vrai cachemire de l'Inde qui portait encore à son extrémité l'étiquette du marchand. Marque évidente qui pouvait prouver la valeur et la nouveauté du châle si un jour ou l'autre elle le revendait à une de ses clientes. « Allons, adieu, » dit-elle. « Je vois que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je reviendrai après-demain. » Elle partit. « Liénard sort de chez moi, » dit Maurice. « Il m'a apporté votre lettre. Ah, mon Dieu !» Elina se mit à pousser les hauts cris. « Rassurez-vous, il ne se passera rien de grave. Seulement il se retire. Et je viens... » Brusquement, elle lui passa les bras autour du cou, et à plusieurs reprises, elle l'embrassa. « C'est gentil ce que tu fais là, » dit-elle. « Mais c'est fou. J'aurai de la raison pour toi. Amant, oui, tant que tu voudras, tant que tu m'aimeras. Mais c'est tout. Pas d'intérêt entre nous. D'ailleurs, je ne suis pas de ces femmes-là. J'ai mon talent. J'en vivrai. Si, jusqu'à ce jour, je n'en ai point profité, c'est que Liénard savait que le jour où j'aurai une réputation quelconque, je ne voudrais plus de lui. Il a eu soin de me faire manquer les occasions qui se présentassent. Toi, tu m'aideras à les trouver. Je chanterai ta musique, et en attendant, s'il faut faire des économies, on serrera son corset, et on enverra la mère Jourdeuil manger du foie gras ailleurs. Ne parlons donc plus de ça. Viens ici quand tu voudras. Tu y seras maître, tu seras un ami, un camarade. Quelle bonne idée cet imbécile a eue de me surprendre au moment où je t'écrivais. « Nous sommes libres, mon chéri, libres, libres !» Et elle se mit à danser autour de Maurice. En Angelina, il était mécontent et perplexe. Il se voyait sur les bras une maîtresse en titre, avec un intérieur, un ménage et tout le reste. En sortant, il était enchanté. Ce serait une distraction, ce ne serait point une liaison. Il la ferait débuter, arriver. Elle était charmante. Elle ne serait ni dangereuse ni gênante. Elle valait bien mieux que cette bégueule d'Élisabeth. Celle-ci fut donc sacrifiée sans un seul mot, comme sans un seul regret. Il fut parfait pour sa femme. Depuis 2 ans, il ne l'avait jamais vue si joyeux, d'humeur si égale. Il fut caressant, et il eut des attendrissements qui la pénétrèrent, des prévenances qui l'émurent doucement. Rentrant tard, il fut toujours chargé de quelques petits cadeaux, ou tout au moins il donna des explications et des justifications qu'il offrit de lui-même, sans se les faire demander. De la meilleure foi du monde, il put se dire qu'elle était heureuse, et il sut gré à sa maîtresse du bonheur de sa femme. D'ailleurs, en s'attachant à Lina, il ne se détacha point d'Armande, et l'on peut même dire qu'il l'aima davantage lorsqu'il commença à la tromper. Le remords lui donna une sorte de pitié ingénieuse à inventer des compensations. De là, dans ses rapports avec elle, une grande douceur et une sorte de tendresse compatissante. De là aussi chez Armande, une sécurité parfaitement justifiée, car se sentant aimée, elle ne pensait ni aux soupçons ni à la jalousie. Sans doute cette vie nouvelle n'était point celle à laquelle l'avaient habitué les premiers mois de leur amour. Mais les circonstances n'étaient plus les mêmes. Elle s'efforçait de se le persuader et de le comprendre. De là donc, pour l'un et l'autre des deux époux, un état qui ne fut certes point le bonheur parfait, mais qui cependant, pour Armande, fut supportable, puisqu'elle eut autour d'elle le calme et en elle la tranquillité, pour Maurice, fut agréable, puisqu'il eut au dehors les plaisirs qu'il lui fallait, chez lui les joies du foyer. Il n'y avait pas 8 jours qu'il était l'amant de Lina, lorsqu'il remarqua chez celle-ci une inquiétude qui n'était ni dans ses habitudes, ni dans son caractère. C'était évidemment malgré elle qu'elle laissait voir son tourment. Entre elle et Madame Amédée, il y avait à chaque instant des colloques à voix basse. Plus d'une fois il la surprit les yeux rouges. Qu'avait-elle ? Il l'interrogea, tantôt en la câlinant, tantôt en la brusquant. Elle ne voulut point répondre. « Vaut mieux vous dire la vérité, » répondit Madame Amédée, lorsqu'il eut décidé celle-ci à parler. « Vous avez remarqué du mystère. Je vous dirai non, vous ne me croiriez pas. Vous n'êtes point un homme à vous payer de parole. Il y a quelque chose, c'est vrai, et je vais vous avouer tout. Ce n'est pas ça qui vous fera aimer Madame davantage, puisque je vois bien que vous l'adorez, et vous avez joliment raison. Monsieur Liénard a donné à Madame le mobilier qui est ici, mais c'est un malin. Il a fait signer les billets par Madame, et il les a seulement garantis. Il n'en reste plus que 3 qui feront 6 000 francs. Ils sont échus et le marchand veut reprendre les meubles ou s'adresser à Monsieur Liénard. C'est ça qui tourmente Madame. Comme elle ne peut pas payer, elle aime mieux rendre les meubles que de devoir quelque chose à Monsieur Liénard. Une autre à sa place ne serait pas embarrassée pour si peu, mais elle vous aime. Moi seule, c'est combien ? Et Madame Jourdeuil, qu'elle n'a pas voulu écouter, car ce n'est pas une femme intéressée, c'est une artiste. C'est là ce qui l'a fait fâcher avec sa mère. Oui, monsieur, une créature qui a 4 filles et qui leur a payé une éducation de princesse pour en faire métier. Les 2 aînées sont déjà riches comme de vrais agents de change, et la dernière est encore au couvent. On l'élève pour le baron de Campart, qui a déjà eu l'aîné. Ça me révolte. J'ai eu des malheurs, mais je veux que mon petit Melchior aille dans le bon chemin. On a un enfant, c'est pour qu'il vous relève, n'est-il pas vrai ? Vous me direz, comment madame a-t-elle accepté M. Liénard ? Maurice fit un signe affirmatif. « Précisément, » continua Madame Amédée, « parce qu'elle n'est pas la fille de sa mère. Elle voulait être artiste. Elle a cru qu'il la ferait arriver, tandis qu'il a tout fait pour l'empêcher. Et il ne lui donnait presque rien. Le plus sûr, c'était la représentation au bénéfice de madame qu'il organisait et dans laquelle il faisait paraître gratis tous les artistes qui ont besoin de lui et de son journal. Oui, monsieur, il les faisait doublement chanter, comme il disait. Aussi, vous pouvez bien dire que vous êtes le premier amour de madame. C'est même pour cela qu'elle ne vous compte pas ses ennuis. Elle ne veut point que l'argent se mette entre vous. Cet enfant, mais tout de même, c'est bien. Aussi, ce que je vous en dis, c'est pour que vous tâchiez de voir les créanciers et de gagner du temps. Si vous les payez, madame s'en fâcherait. » Il vit les créanciers et les paya. 6 000 francs étaient pour lui une assez grosse affaire, mais s'il était en ces derniers temps assez lourdement endetté, il trouva cependant moyen de se les procurer. Il devait bien cela à une femme qui l'avait réduite à cette extrémité. « Tu me rendras cela plus tard, » dit-il à Lina. « C'est à cette condition seulement que j'accepte, » dit celle-ci. « Maintenant, tu es intéressé à mon succès comme ami et comme créancier. Fais-moi donc travailler, je te paierai doublement. » Ils s'en trouvèrent plus étroitement unis. Il y a des hommes qui voient dans l'argent dépensé pour une femme un capital engagé, et qui tiennent ainsi à la fois à la femme et à la mise de fonds. Sans faire précisément ce calcul, Maurice se sentit plus maître chez Lina. Il fut en réalité plus possédé. Il sortit avec elle, la conduisit au théâtre, se montra à son bras. En cessant tout à coup de venir chez Elisabeth, Maurice avait causé à celle-ci un prodigieux étonnement. Au point où ils en étaient, que pouvait signifier une si brusque froideur ? « C'est de la bouderie, » pensa-t-il. « Par tactique, il veut que je revienne et que je fasse les avances de la réconciliation. » Elle les fit aussi complètes qu'eût pu le désirer l'amour-propre le plus féroce. Maurice se mit à plaisanter et se montra libre et dégagé comme s'il n'avait jamais échangé entre eux que des paroles en l'air. De l'étonnement, elle passa au dépit et se renferma dans sa dignité. « Il y viendra de lui-même, » se dit-elle. « Il me paiera cher son caprice. » Elle eut beau attendre, il fut aussi insensible à la dignité qu'il l'avait été à la tendresse. Décidément, il y avait quelque chose. Avait-il une maîtresse? Comment le savoir? Par ce qu'il était pour sa femme, on aurait peut-être un indice. Lorsqu'elle arriva chez Armande pour procéder à l'interrogatoire assez délicat qui devait l'éclairer, elle trouva celle-ci penchée sur un métier à tapisserie et travaillant. Auprès d'elle, Victorine, assise sur le tapis, jouait à faire des cheveux à sa poupée avec de petits bouts de soie coupés qu'elle ramassait. « C'est charmant, cette chaise, » dit Elisabeth. « Vous vous cachez donc pour travailler ?»« Que je ne l'avais pas encore vue. » »« Une surprise que je veux faire à Maurice. Je n'y travaille que quand je suis seule. » « Alors vous devez y travailler souvent et longtemps. »« Mon Dieu, oui !» dit Armande, qui, incapable d'une méchanceté voulue, ne la supposait jamais chez les autres. « Il sort beaucoup depuis quelque temps. Est-ce qu'il espère bientôt réussir pour son opéra ?»« Hélas, ça n'avance guère. »« Ainsi, vous en êtes encore à vous faire des surprises d'amant ?»« J'espère bien que nous en serons là toujours. »« Enfin, vous en êtes là aujourd'hui. »« Vrai, j'en suis bien heureuse. Vous m'inquiétiez. » Maurice me paraissait mécontent. Se plaignait-il de moi? Vous pensez bien qu'il n'eût pas été me choisir moi, votre ami, car je ne l'aurais pas écouté. Mais je le trouvais dur avec vous, quelquefois moqueur, injuste, exigeant, comme ennuyé et fatigué de sa maison. Il a été ainsi durant quelques mois. C'était sans doute sous l'impression des difficultés et du mauvais vouloir qu'il rencontrait. Depuis quelques jours, il est redevenu bon et tendre comme je l'ai connu autrefois. Tel qu'il était dans les premiers mois. « Dans les premiers jours de votre mariage ?» insista Elisabeth. « Ah, les premiers jours !»« Non, n'est-ce pas ? À ce moment-là, il n'avait pas d'affaires qui l'appelaient au dehors, et je n'étais ni mère ni nourrice. »« Comme vous me répondez cela, mon enfant, restons-en là, je vous en prie. Je ne l'accuse pas, vous n'avez point à le défendre. Mon désir, en entrant dans ces détails, qui paraissent vous blesser, était tout simplement de vous engager à le surveiller. Si j'avais fait ce que je vous conseille aujourd'hui, je me serais évité bien des chagrins dans mon ménage. J'étais jeune et simple comme vous, j'avais confiance. Comme vous, je ne voulais croire que mon cœur. C'est plus tard que j'ai vu que les hommes ne savaient pas mentir. N'ayant ni assez de patience, ni assez de mémoire pour ça, et qu'en leur faisant raconter deux ou trois fois, à des intervalles qui n'étaient jamais les mêmes, l'emploi de leur temps, on les suivait aussi sûrement qu'en les tenant au bout d'une laisse. C'est un bon moyen que je vous donne, usez-en. Croyez-moi. » Cet entretien avec Armande démontra clairement à Elisabeth que Maurice avait une maîtresse. Il restait des journées entières hors de chez lui. À qui les donnait-il? Il n'était que bon et tendre pour sa femme. Elle savait de reste, elle, chez qui il avait passé tant d'heures, ce qu'il fallait croire de ses prétendues affaires. Il y avait un fait, l'abandon. C'était là le certain. Au profit de qui, c'était là le mystère. Il fallait pourtant qu'elle le perçât à jour. Son dépit, son amour-propre, sa vengeance l'y poussait et l'exigeait. Mais comment? Il n'était guère probable qu'Armande sût profiter des conseils qu'elle lui avait laissés. Ah, s'il avait un auxiliaire, si Liénard était encore là, il était habile, lui. Il voyait, il comprenait, et se faisait comprendre à demi-mot. On pouvait s'expliquer avec lui. Il aimait Armande, cela était bien certain. L'infidélité prouvée du mari lui gagnait la femme. C'était le meilleur instrument qu'elle put employer, puisque lui-même était intéressé au succès. Ainsi aiguillonnée, elle résolut de l'aller trouver. Les bureaux du journal étaient un terrain neutre. Elle se rendit au bureau. Surpris de la voir et intrigué aussi, il la reçut cependant de la façon la plus gracieuse et lui promit tout ce qu'elle demandait. « Pardonnez-moi, dit-elle en le remerciant, d'être venue vous déranger. J'avais chargé Madame Berthaud de vous adresser ma demande. » Certaine que vous seriez heureux de la lui accorder à elle-même. Mais elle m'a dit qu'on ne vous voyait plus. « Où veut-elle en venir ?» pensa Liénard. « Attendons. » « J'ai voulu alors vous envoyer notre ami Maurice. On ne le voit pas davantage. »« Ma foi, je ne le vois pas plus que vous, » dit-il simplement. Ils restèrent tous deux, cherchant à se deviner, mais ils étaient dignes l'un de l'autre. « Il ne sait rien, » pensait Elisabeth. « Comment l'éclairer sans me compromettre ?» Elle veut savoir ce que devient son amant, se disait Liénard. Ce fut lui qui rompit le silence. Son parti était pris, son plan fait. Du même coup, il pouvait se venger d'Elisabeth et détacher Armande de Maurice, car ses confidences, quelles qu'elles fussent, seraient assurément répétées. « Vous êtes l'ami de Maurice, dit-il, dévoué à sa femme. Nous ne nous voyons plus, Maurice et moi. Vraiment? Fit-elle. Un malentendu, sans doute, qu'un tiers ferait cesser d'un mot, voulez-vous que j'essaie ? » Mille remerciements, car si ce n'est pas une rupture, c'est plus qu'un malentendu. J'avais une maîtresse, pardonnez-moi de vous parler aussi crûment, mais il faut appeler les choses par leur nom. J'avais une maîtresse que j'aimais. J'ai renoncé à la gloire, j'ai renoncé à la fortune. Je n'avais plus d'espoir que dans cette femme. Un jour, j'ai par hasard conduit Maurice chez elle. Tenez, c'était précisément un matin qu'il sortait de chez vous. Le lendemain, il était son amant. Il s'arrêta. À la pâleur d'Élisabeth, il dut être satisfait. Il continua. Quand j'appris que les deux êtres que j'aimais le plus au monde m'avaient trompé, ce fut un dur moment. Heureusement, j'ai eu la force de sortir de là, sans scandale et dignement, je crois. Mon amitié pour Maurice n'a point succombé. Je le reverrai quand ma blessure commencera à se fermer un peu. Je ne lui en veux pas trop, car il y a de ma faute. Je n'aurais pas dû mettre en présence ces deux enfants. Jeunes et séduisants tous deux, ils ont été entraînés. J'aurais dû penser combien elle est irrésistible. Ils s'adorent aujourd'hui, et vous ne savez pas quel coup vous m'avez porté en me disant que Maurice était introuvable. Introuvable ? Il est chez elle. Élisabeth suffoquait. Elle se leva, et avant de partir, elle tâcha de répondre au moins un mot à ce perfide discours. Elle prit la main qu'il lui tendait, et d'une voix doucereuse, « Votre procédé envers Maurice est plein de loyauté. » Elle lui serra la main, bien digne de vous. Elle la lui serra plus fort. « Que ne puis-je en faire part à Armande ? Elle aurait pour vous toute l'estime que vous méritez. » Là-dessus, elle sortit avec dignité. « Elle va tout dire à Armande, » pensa Liénard, « et avant 2 jours, la guerre sera déclarée. » Prenons nos précautions avec le mari. Et il lui écrivit la lettre suivante, qu'il adressa chez Lina. « J'ai reçu, il y a quelques minutes, mon cher Maurice, la visite d'une âme en peine, qui te pleure et te regrette. Elle est venue crier ici. J'ai perdu mon Eurydice, pouvez-vous m'en donner des nouvelles ? Je n'ai pas pu y tenir. Et j'ai dit ce qu'elle voulait savoir, en gros, bien entendu, sans entrer dans les détails. Elle sait seulement qu'elle est trompée, abandonnée, délaissée. Peut-être ai-je fait une bêtise, mais je n'ai pas pu résister au plaisir de lui faire expier en 1 minute tous les mauvais tours qu'elle me joue depuis longtemps. Dans tous les cas, je te préviens, tu pourras viser si besoin est. Ton ami quand même, Liénard. » Il ne se trompait point, en pensant qu'Élisabeth voudrait avertir Armande. À peine sortie, elle y courut. Celle-ci était si visiblement inquiète qu'Élisabeth, malgré sa préoccupation, en fut frappée. « Qu'avez-vous donc ? » lui demanda-t-elle. Victorine m'effraie. Elle est enrouée, elle tousse et frissonne. « Vous êtes bien toujours la même. Vous n'avez souci que de votre enfant. Ça ne sera rien, un malaise, l'influence du temps. Si vous n'étiez pas si mère, vous seriez plus femme, ce qui vaudrait mieux. Avez-vous surveillé Maurice, comme je vous le conseillais l'autre jour ? Et pourquoi ? Vous voilà bien. J'ai eu tort, n'est-ce pas ? Tort de vous parler comme je l'ai fait, tort de vous donner les conseils que je vous ai donnés. Eh bien non !» Armande éperdue la regarda en face. Élisabeth baissa les yeux. « Parlez donc !» s'écria Armande. « Vous me faites mourir !»« Voyons, » reprit Élisabeth, « vous avez du courage. Vous aimez votre mari. Vous êtes décidé à tout pour le garder ou le reprendre. Apprenez qu'il vous trompe et se moque de vous. Il a une maîtresse. C'est Liénard qui m'a tout dit. Mais était-il nécessaire qu'on le dise ? Tout ne le prouvait-il pas ? Et votre cœur ne vous l'a-t-il point crié ? Ah, vous avez voulu pour mari un artiste. Vous ne connaissiez pas ces natures-là. Vous avez cru que la vie de famille était possible avec un caractère comme Maurice, et voilà où vous en êtes. Mais voyons, ne pleurez pas. Votre sort, votre bonheur à tous deux, est dans vos mains. Un peu de force et d'adresse, et votre mari est à vous pour la vie. Dites-lui, s'il le faut, que vous savez tout. Dites-lui que vous le tenez de moi. » Armande n'écoutait point. Un seul mot avait frappé son oreille et retentit dans son cœur, une maîtresse. C'était quelque chose de physique qu'elle ressentait, un étourdissement. Elle ne comprenait pas très bien. Comme tous les grands coups, celui-là l'avait jeté au-delà du fait même qu'il l'anéantissait. Lorsque Madame Cabu fut partie, Armande, qui s'était contrainte, s'abandonna. Ce fut un torrent de larmes, une suffocation. Le cœur éclatait. Elle pleurait, pleurait, mais sans bien se rendre compte de toute l'étendue de son malheur. C'était son bonheur passé, son amour. Elle ne pensait point à l'avenir, pas même au présent. Il avait tout oublié, sacrifié, joie, promesse, souvenir. La voix de Victorine la rappela à elle-même. l'enfant, couché dans son petit lit, disait d'une voix rauque « Maman, maman !» À cet appel, elle redevint mère. Elle se leva du fauteuil où elle était affaissée, la tête cachée entre les mains, et s'approcha de sa fille. Elle la prit dans ses bras. La peau de l'enfant était sèche et brûlante, sa respiration était bruyante, précipitée, résonnante dans le fond de la gorge, où l'on entendait comme un bruit de soufflet. Sa face était boursouflée et rouge, les yeux brillaient. « À boire !» dit-elle. Armande lui présenta une tasse, l'enfant ne put avaler. Immédiatement, elle l'envoya chercher Carbonneau, qu'on trouva chez lui et qui arriva aussitôt. C'était le croup. Il fallait des vomissements, des synapismes. « Où est le père ? » demanda-t-il en partant. « Il va rentrer, » répondit-elle. « Bon, je reviendrai avant dîner. » Il était à peine sorti qu'elle reçut un billet de Maurice. En deux mots, il la prévenait qu'il était forcé d'aller à la campagne. Au retour, il lui dirait pourquoi. Sous la parole d'Élisabeth, elle avait jusqu'à un certain point douté. On se trompait, on la trompait. Cette lettre lui enleva cette faible espérance. Ce fut la confirmation, la preuve. Cependant, elle souffrit peut-être moins, convaincue alors qu'elle se débattait contre l'évidence, car la douleur n'était plus seule maîtresse en elle. Elle avait l'anxiété, une anxiété poignante. Sa fille, leur fille qu'il aimait, qui pouvait mourir sans qu'il la vît, sans qu'il n'en sût rien. Où était-il ? Qu'elle le prévint ? Avec cette lucidité que donnent seules les grandes crises, elle pensa à Liénard. Il devait savoir où était Maurice. Que celui-ci eût quitté Paris, comme le disait sa lettre, elle ne le croyait pas. Il était, elle ne le sentait que trop cruellement, il était chez sa rivale. Il lui répugnait de s'adresser à un tel homme, mais c'était de sa fille qu'il s'agissait. Ah, si Martel eût été là ! Elle fit prévenir Liénard de se rendre chez elle aussitôt que possible. Deux heures après, il arriva en triomphateur. Puisqu'on le demandait, c'est qu'Élisabeth avait parlé. Il était rasé, frisé. Au moment où il arriva, Victorine avait précisément une crise. Avec des efforts qui soulevaient son pauvre petit corps et bleuissaient son visage couvert de sueur, elle s'efforçait à vomir en se roidissant contre sa mère. On fit entrer Liénard au salon, où, assez surpris de ne pas voir arriver Armande, il attendit. Lorsque Victorine se fut un peu assoupie, Armande lui posa doucement la tête sur l'oreiller, et après avoir fait 1000 recommandations à Marie-Ange, elle descendit. « Eh bien, » fit Liénard en allant devant elle, « vous avez vu Madame Cabu ? Où est Maurice ? » dit-elle. « Elle a parlé ? Je vous en prie, où est Maurice ? Que voulez-vous que je vous apprenne que vous ne sachiez déjà ? Chez celle qu'il vous préfère, sans doute. Est-il dit que vous le pleuriez si amèrement ? Oh, taisez-vous, » dit-elle, « c'est un crime. » Je ne l'accuserai point, si vous voulez. Je me dévouerai même à lui pour vous. Seul, il n'arrivera rien. Si vous voulez, je me ferai son soutien. Dites un mot, et vous gagnerez un appui qui mettra à votre service son expérience, ses relations, sa vie. » Elle l'avait écouté avec stupeur. Elle recula, et arrivée à la porte, elle dit « Ma fille est là, qui se meurt peut-être. Vous devez savoir où est son père. Qu'il vienne, je vous en conjure, qu'il l'embrasse. » Lorsqu'elle était entrée, il avait remarqué sa pâleur et son émotion, et il les avait attribuées à la jalousie. Ses dernières paroles lui firent comprendre son erreur. Il s'avança vers elle. « Pardonnez-moi. Dans une heure, Maurice sera auprès de vous. » Sans la regarder, sans attendre un mot, il sortit. Mais Maurice ne vint point. Il était en réalité parti pour la campagne avec Lina. Madame Amédée pensait, toutefois sans pouvoir rien affirmer, qu'il rentrerait le lendemain. Liénard eut peur de porter cette triste réponse. Il l'écrivit. Carbonneau arriva comme il l'avait promis et trouva l'enfant mal, très mal. « Le père n'est pas rentré, » dit-il. « Il faudrait l'aller chercher. »« Il est à la campagne, » murmura Armande. « Je reviendrai bientôt. Ne vous désolez pas. Comptez sur moi. Seulement, ne l'embrassez pas trop fort ni trop souvent. Ça l'échauffe et l'empêche de respirer. » Avec la nuit, redoublèrent les angoisses d'Armande. L'obscurité avait apporté sa tristesse, son inquiétude, ses craintes. Cependant, les heures les plus pénibles n'étaient point celles où elle soignait Victorine, car alors elle n'était point libre. Sa fièvre était surexcitée. Il n'y avait place en son esprit, comme en son cœur, que pour cette seule pensée, l'enfant. Elle ne voyait que sa fille s'agitant sur son berceau en désordre, s'écorchant la gorge de ses petits doigts crispés, comme pour arracher l'obstacle qui l'empêchait de respirer. en face de ce cher petit corps inondé de sueur, secoué par la toux, tordu par les contractions. Il n'y avait que la mère entendant jusque dans ses entrailles la respiration de sa fille, la mère haletante, suffoquée. Mais cet état n'était pas continuel. Il y avait des intervalles d'apaisement pour l'enfant et par suite un peu de somnolence. C'était alors à la femme, à l'épouse, à l'amante de pleurer. Tout en tenant la main de sa fille assoupie, elle pensait. Elle pensait à elle-même, à son mari, à leur amour perdu. Où était-il ? Auprès d'une autre. Et rien ne venait la distraire de cette obsession qui la rendait folle. Seule la respiration plus ou moins rauque de sa fille la rappelait à la réalité présente qui doublait son malheur. Vers 11 heures, l'enfant eut une crise plus violente encore que toutes les précédentes. On crut qu'elle allait étouffer. Sa face contractée, crispée, était bleuâtre. Elle râlait. Alors la pauvre mère, affolée, ne crut plus à la médecine, à la science. Il lui fallut le surnaturel. Elle appela son secours le miracle. Quoique ayant eu une éducation un peu religieuse, elle n'eut plus d'espoir qu'en Dieu. Elle prit sa fille dans ses bras et l'élevant vers le ciel, elle l'offrit à la Vierge. « Je vous la donne, » dit-elle en pleurant. « Sauvez-la, je vous l'avoue. » Marie-Ange, qui était dans la chambre, se mit à genoux comme sa maîtresse et toutes deux elles prièrent. Ce n'était point assez pour Armande. Elle avait donné sa fille, elle ne s'était point donnée elle-même. « Mon Dieu, » dit-elle avec exaltation, « sauvez-la et faites-moi malheureuse. Rendez-moi ma fille, prenez l'amour de mon mari. » Vers 1 heure du matin, Carbonneau revint une nouvelle fois. « Encore seul ?» dit-il. « Allons, cher enfant, je vais passer la nuit avec vous. » Il s'assit auprès d'elle contre le lit et tâcha de la rassurer par de bonnes paroles. Bien soigné et pris en temps, le croup n'était point dangereux. D'ailleurs, restait l'opération qui, bien faite, était presque infaillible. De temps en temps, il introduisait dans la bouche de l'enfant une éponge imbibée d'une préparation qu'il avait apportée. Et presque sans relâche, il parlait pour distraire Armande. Lorsqu'il prononçait le nom de Maurice, elle détournait la conversation. Elle avait peur de céder à la tentation de se plaindre. Quand le froid du matin se fit sentir, il fut pris par la fatigue et de temps en temps, il se laissa aller au sommeil. Cela ne durait qu'un court instant. Sa tête tombant en avant, il se réveillait et reprenait aussitôt ses soins et la conversation. À 7 heures, il la quitta pour aller à son hôpital. Victorine n'était pas mieux, elle n'était pas plus mal non plus. À midi, Armande entendit un bruit de pas rapide dans l'escalier. « Victorine !» s'écria Maurice d'une voix haletante. Armande, sans répondre, ouvrit les rideaux du berceau. L'enfant dormait. Au bruit que fit son père, elle s'agita. Puis, comme il se baissait pour l'embrasser, elle ouvrit les yeux. « Papa !» dit-elle d'une voix claire, en lui tendant les bras. Elle était guérie. Sans dire un mot, sans regarder son mari, Armand tomba à genoux. Il alla vers elle. « Je te jure par notre amour. Je te jure !» Il prit Victorine qu'il mit dans les bras de sa mère. « Je te jure par notre fille de ne plus vivre que pour toi et pour elle. » Elle ne répondit rien. Elle se pencha sur Victorine qu'elle embrassa. Carbonneau entra, suivi d'un jeune homme, son élève préféré, un aide. « Allons, » dit-il, « l'enfant est sauvé. Nous n'aurons pas besoin de la trachéotomie. Je n'ai plus que faire ici. » Dans le jardin, il prit Maurice à part. « Un conseil. Soignez votre femme, mon cher Berthaud. Elle en a besoin et elle le mérite bien. »